Je ne mobilise pas tout de suite la parole, justement, pour vous la laisser, pour la laisser à la salle, à moins que, quand même, quelqu'un... Sans transition. Il y a tant de choses à dire. Ça, sur cette période. Peut-être juste dire que... remercier pour ce que tout le monde a dit, d'ailleurs, c'est vraiment intéressant et très nourrissant pour notre travail un peu souterrain de, justement, numérisation, restauration, valorisation. Donc ça fait plaisir de le voir relu ou réinterprété. Oui, Nicole Fernandez-Ferrer du Centre de Musique, c'est le nouveau. Et justement, c'est pour vous dire, puisqu'on est frustrés par les petites minutes d'image que vous voyez, notamment pour les personnes qui ne connaissent pas, tous ces films sont soit au niveau chercheur de la, enfin la plupart de ces films de la Bibliothèque nationale de France, avec laquelle nous travaillons depuis 2004 à la numérisation. Il y a également des films, en tout cas amazonistes, dans la collection du Centre Pompidou. Et puis le Forum des images va avoir aussi une partie de ce fonds à partir de 2013, accessible en salle de consultation. Et bien sûr, chez nous, sur rendez-vous, et notamment pour les chercheurs, les journalistes, les producteurs, il suffit de prendre rendez-vous et vous pouvez venir visionner ces films dans leur intégralité pour pouvoir bénéficier de toute leur richesse. Voilà, je voulais juste dire ça. Oui, oui, Bernard Bessa. Marie Duguay pour son exposé, qui est très bien. Je suis très content qu'elle ait terminé sur les films qui sont faits actuellement avec les téléphones portables. Il y a un festival qui va se tenir à Valence autour de ces films, parce que c'est eux qui sont devenus aujourd'hui les subversifs. On l'a vu dans leur succès avec les printemps arabes. Alors maintenant, puisque on n'a pas à l'époque constitué d'archivage sérieux au niveau de la vidéo, et qu'on le regrette parce que nous avons tous des bandes vidéo inexploitables aujourd'hui, souvent, il faudrait peut-être commencer à constituer les archives avec le téléphone portable. Alors là, ça se détruit en plus. Ce n'est pas incompatible. Hein. Faut pas croire que si vous avez encore des bandes dans les greniers ou les caves, elles sont forcément impossibles à transférer. Hein. Bernard, si tu en as encore... Elles s'abîment beaucoup. Et on ne connaît pas leur état de conservation. Certaines bandes très anciennes, sur des supports qu'on supposait légers, ont gardé leur image, parfois leur couleur, et certainement le son est mieux conservé. Par contre, d'autres images, sur des supports plus importants, présentent des décrochages. Souvent, les bandes se sont froissées, se sont déchirées, se sont décollées. Bon, il y a des problèmes techniques. Si vous avez les secrets pour arriver à résoudre ces problèmes techniques, moi je suis prêt à vous amener des bandes. Ça ne demande pas. Si. Pas de doute, quand même. On peut citer quand même l'exemple des archives filmées donc, en demi-pouce porte-à-pack par le planning familial qui avait été très très mal conservé quand même dans une cave. Donc à Paris, qui avait pris l'eau, qui avait été vraiment littéralement immonde. Et je veux dire, les bandes, quand elles ont été récupérées par la Bibliothèque nationale de France, elles étaient encore certaines trempées avec des marques, etc. Et bien finalement, somme toute, les transferts ont été pas mauvais du tout. Et ça fait partie justement d'un des nouveaux fonds qui a rejoint les collections de la Bibliothèque nationale de France et qui mérite aujourd'hui études, travail, etc. Donc là, on pensait, enfin, c'était assez inespéré quand même pour ces bandes. Et en fait, voilà. Et Bernard Bessa, vous avez des surprises dans les deux sens. Oui, ou des surprises dans les deux sens. Non, on parle que des balles. Avec un petit éventail, ça marche. Pour sécher. On n'a pas précisé tout à l'heure que la particularité aussi de Vidéo donc de Carole et Paul Ansopoulos, c'est que ce sont les premiers qui ont tout de suite commencé, et notamment c'était Paul qui faisait ça, de reporter, dès qu'il y avait un nouveau format qui apparaissait, il reportait automatiquement ce qui avait été fait, par exemple, en demi-pouce, un pouce, en trois quarts, ensuite en méta. Donc il y a toute l'histoire de la vidéo, on a des fois des exemples sur un titre qu'on va retrouver en demi-pouce, donc des années 69-70, jusqu'à avoir été transféré maintenant en fichier numérique, mais où ils ont suivi, et je crois que ce sont les seuls qui ont eu cette conscience de la conservation et de l'importance du report des images. Peut-être c'était aussi la formation scientifique de Paul qui l'avait influencé ou son goût pour l'histoire, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette inclination. Enfin, en même temps, relatif quand même, parce qu'il y a au moins les deux tiers qui sont, pour l'instant, égarés, sinon totalement perdus. Hein. Mais enfin, sur une partie, c'est effectivement juste. Monique Martineau-Hendel. Oui, par rapport justement à ce problème de conservation, je crois qu'il y a plusieurs aspects. Anne-Marie, tu disais que bon, on ne pensait pas à l'époque à sauvegarder, on passait d'une chose à l'autre. Il faut dire que beaucoup de ces travaux étaient des travaux militants, c'est-à-dire que par ailleurs il y avait le travail salarié, il y avait la famille, etc. Donc on était pris par l'urgence, mais en plus de ça il y avait quand même des aspects idéologiques dans lesquels nous avons lourdement trempé, que justement Carole et Paul ne s'étaient pas encombrés de ça. Mais c'était notre lutte au mouvement audiovisuel d'intervention contre le dépôt légal, puisque ça impliquait de déposer une copie au ministère de l'Intérieur, etc. Donc il y avait des aspects financiers, on n'avait pas d'argent effectivement pour gaspiller des copies, mais il faut quand même rappeler le contexte de l'époque, de ces années 70 jusqu'en 81. C'est-à-dire que la télévision était muselée, que les luttes n'avaient pas bonne presse, que les militants pouvaient être tout à fait arrêtés, etc. Donc, je pense que ça explique aussi cette perte de mémoire. Quoi. Oui, j'ai oublié le dépôt légal. D'ailleurs, il reste un travail d'investi. Alors, donc, effectivement, c'est... Il y a eu une vraie mobilisation contre le dépôt légal pour un certain nombre de raisons politiques, en plus des raisons économiques. Et sans doute faudrait-il d'ailleurs aussi faire un travail historique qui n'a pas été fait à ce jour à ma connaissance sur les raisons pour lesquelles la France se dote aussitôt qu'en 1975 d'un dépôt légal des vidéogrammes, alors même justement que le média ne dispose pas d'une quelconque légitimité culturelle et patrimoniale dans la société. Voilà, ah ben, tiens, réaction, mais, je laisse la parole. Je vais réagir là-dessus, juste voulais... Thierry Noël. Oui. Peut-être que voilà, vous pouvez dire les personnes qui reviendront. Je suis vidéaste depuis 68, mais avec un parcours un peu transversal, peut-être par rapport aux programmes qui vont être proposés. Par exemple, la notion de collectif, qui était très fortement marquée par le militantisme, pouvait être aussi un collectif autour d'un film, c'est-à-dire ne pas d'abord commencer par une idéologie politique, mais peut-être par presque une idéologie de la vidéo qui voulait marquer qu'un film pouvait se faire collectivement, c'est-à-dire remettre en cause les places attribuées professionnellement dans le cinéma ou bien la place attribuée à la parole dans la société, c'est-à-dire marquer violemment qu'un film n'était pas dans une structure hiérarchique d'auteurs d'art ou même de la parole de quelqu'un, mais pouvait être pris collectivement par des gens qui s'attribuaient des places et parlaient alors au nom du film qui se faisait. J'ai fait un film avec des collégiens de banlieue, on a pu faire des films dans des villages, enfin le collectif donc pouvait être aussi autrement politique et dont la principale marque était affirmer justement que la vidéo c'était déjà une idéologie. Faire de la vidéo, c'était faire des choses autrement. Ça, c'est, je pense, et on se démarquait un peu du collectif politique. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais me féliciter qu'on fasse, enfin, que ce séminaire démarre. Je suis même très, très ému, enfin, parce que peut-être c'est une entrée dans l'histoire. Je crois qu'il faut voir peut-être aussi la dimension de la vidéo qui est un autre regard sur le monde. Et ça, peut-être, on n'en prend pas toujours la dimension. C'est-à-dire que ces images ont été une manière de regarder les choses comme dans, on pourrait dire, dans les visions historiques. Certaines écoles historiques ont marqué un moment que l'histoire ne se raconte pas par les rois, les reines et les lois, mais qu'il y a une histoire par en bas. Or, je pense que la vidéo a violemment affirmé que le regard peut s'inscrire et s'enregistrer par la base. Et c'est un des problèmes, après, qui aura plein de conséquences sur la conservation, peut-être sur l'humilité justement, où on ne conservait pas les choses sans se rendre compte de leur portée historique. Et je pense qu'un certain nombre d'événements vus par la vidéo 40 ans plus tard ou 50 ans plus tard n'auront rien à voir avec le regard qu'a pu porter le cinéma et la télévision. L'exemple le plus frappant, il y a eu un colloque, je crois, à la Cinémathèque, disant « Est-ce que mai 68 a été filmé ?» On y était un certain nombre. Et la réponse était un peu non, le cinéma n'a pas filmé mai 68. Et Sébastien repérait 600, 700 films autour de 68. On a tout à fait que le cinéma officiel ne l'ait pas pris, les studios étaient en règle, mais la vidéo a constamment fonctionné là-dessus et donc nous donne un regard qui n'est pas tout à fait encore inscrit dans la, on va dire, la grande mémoire historique. Et je pense que le travail que vous entamez va peut-être marquer ça, c'est-à-dire qu'il y a une façon de voir à travers un cinéma ou une image qui est autre que la version officielle, on va dire. Et puis je voudrais dire un petit paradoxe aussi. J'ai beaucoup travaillé dans le culturel et le paradoxe, c'est qu'à un moment, l'institution culturelle s'est dotée de la vidéo et donc on est un peu à l'envers du militantisme qui s'empare des outils. Là, il y a eu une conscience dans les années 70 que la vidéo pouvait être utile au mouvement, probablement pour des buts de récupération un peu de ce qui se passait après 68, que là-dedans se sont investis beaucoup de gens, animateurs, travailleurs sociaux, militants reconvertis, etc. Cette histoire a duré jusque pareil dans les années 80. Et je pense que là, il y a eu aussi un petit drame, c'est qu'il pouvait se constituer à travers la vidéo un regard venu aussi des régions, de la base, ou des mouvements culturels un peu alternatifs, et que tout ça s'est terminé dans les années 80 par l'élimination de tous ces groupes, le licenciement de la plupart des gens qui travaillaient là-dedans. Et après, il y a eu évidemment divergence. Un certain nombre sont passés, disons, dans l'institution télévisuelle, etc. D'autres ont disparu, et un certain nombre ont continué. Et je pense que le mot vidéo ne s'emploie plus, mais que le mot vidéaste s'emploie encore. Et je pense que c'est là notre continuité, c'est que des gens se réclament encore d'être vidéastes, comme terme qui est un peu officialisé, quand la vidéo est restée un peu technique. Et donc je pense que la prise en compte là de votre travail peut-être va marquer que des individus ont conservé et la pratique et la mémoire de ces premiers temps. Alors encore merci de démarrer tout ça. Merci beaucoup. Ça va être un travail collectif, hein, on insiste. Hein. C'est-à-dire qu'en dehors des séances de séminaire, je le précise immédiatement, on va se prendre des rendez-vous, notamment à la Bibliothèque nationale de France. On va venir vous voir, on va regarder vos archives si vous en avez, on va travailler avec vous aussi en dehors des séances, précisément. J'insiste vraiment, c'est un travail qui va être commun. Il y a énormément dans la salle d'actrices et d'acteurs de cette époque. Alors, je lance une idée quand même, je pense qu'il faut y réfléchir vite. Je pense qu'il serait nécessaire peut-être de faire une vidéo collective de cette histoire de la vidéo racontée par ceux qui l'ont faite. Je pense qu'il faudrait mettre ça en place, un peu dans l'idée de ce qui a été fait comme Loin du Vietnam, c'est-à-dire un collectif qui rassemble et qui peut raconter, peut-être en plusieurs épisodes, cette histoire pour qu'elle soit visible. Le séminaire est destiné à durer, hein, toute façon. Oui, Monique Martin. Oui, je voudrais, par rapport à ce que Thierry vient de dire, je vais mettre un pavé dans la mare et être extrêmement mal élevée. C'est-à-dire que tout ce qui vient d'être dit sur la vidéo, je crois malgré tout qu'on pourrait le dire, enfin Sébastien, enfin, si ça paraît judicieux, mais il me semble qu'on pourrait le dire sur le Super 8 aussi. Et bon, l'avantage du Super 8, c'est que bon, les couleurs se dégradent, mais c'est quand même plus résistant que la vidéo. Et la notion de collectif, il me semble quand même que c'est une notion qui parcourt l'ensemble du cinéma militant. C'est-à-dire la volonté au départ de nier le narcissisme solitaire du créateur et de dire que tout le monde est créatif et que tout le monde peut assumer tous les postes, ce qui a conduit à pas mal de catastrophes. Et je pense que historiquement, ça je suppose que Sébastien pourrait le dater, on peut voir des entretiens, bon, par exemple dans le livre de Guy Hennebel sur le cinéma militant de 1976, il y a une partie des entretiens qui sont collectifs, et puis au fil du temps, on voit apparaître des noms et des signatures. Et donc, bon, je pense que cette idéologie du collectif était quand même très très liée à la période juste post-68 tard, et après les gens cherchaient à retrouver leur vie et avaient peut-être aussi plus un souci de justement de faire un travail spécialiste quoi. Mais il me semble que cette préoccupation de faire entendre l'histoire, la micro-histoire quoi, finalement, faire de la, pas de la micro-histoire, la micro-sociologie. Cette préoccupation, on l'a vu à l'époque aussi bien en montage diapo que en 16 mm, que en vidéo, que en Super 8. C'était un courant. Mais nous aurons l'occasion justement le mois prochain de commencer la séance en évoquant cette question de la création collective et de revenir justement sur ces tensions en termes d'écriture. Et de collaboration et d'évolution aussi, comme disait Monique Martineau sur la période entre mai 68 et notamment, je dirais, une ligne que vont fixer les états généraux du cinéma en définissant finalement ce que l'on entend par équipe de réalisation et l'évolution qui se dessine jusqu'à la fin des années 70. Eh bien, il va falloir donc nous quitter. Nous tenons encore à remercier très très profondément Anne-Marie Duguay de nous avoir fait l'honneur de venir. Et j'étais en plus particulièrement sensible au fait que tu aies abordé la dimension internationale, qui bien que le séminaire se porte effectivement sur le contexte de la France, la circulation internationale est extrêmement importante. Évidemment, ça va être aussi un fil par la suite. Merci à toutes et à tous de votre présence. On espère vous retrouver nombreux et nombreuses autour d'une seule table à la Bibliothèque nationale de France, Sitry-Chelieu. Donc faites bien attention à partir donc de la prochaine séance, le 19 novembre, toutes les séances auront lieu à la Bibliothèque nationale de France, 5 rue Vivienne, juste en face, dans la salle des commissions qui est au premier rez-de-chaussée. Non, c'est au rez-de-chaussée. C'est au rez-de-chaussée, pardon, j'avais un doute. Oui, rez-de-chaussée. Qui est au rez-de-chaussée. À gauche et à 17h30. Très important, à 17h30, nous disposerons de 2h30 pour les prochaines séances. J'espère que vous avez bien inscrit vos noms, vos adresses mail pour être tenu informé de la suite. Et à très bientôt. Et n'hésitez pas à nous écrire, évidemment, entre-temps.